Chapitre 331. L'interdiction de décrire les charmes d'une femme à un homme sans raison légale comme le mariage. 1742. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La femme ne doit pas toucher et regarder le corps d'une autre femme pour ensuite la décrire à son mari comme s'il la voyait devant lui. » Al-Bukhari et Muslim.